Ainsi se termine votre nuit rêvée, Jacqueline Cauh. Au cours de cette nuit, nous avons évoqué John Coltrane, Nina Simone, le minimalisme avec Lamont Young et Terry Riley, Arvo Pärt, Shira Rimitti et Jeff Mills. Nous avons entendu aussi Ornette Coleman, Abbey Lincoln, Philip Glass, Sun Ra, Wade Wassoun, Camilla Djoubran et à l'instant Mad Mike. Et Daniel Cauh était présent tout au long de ce parcours nocturne musical. Merci Jacqueline Cauh de nous avoir fait partager votre nuit rêvée. Vers quels horizons allez-vous voguer ? Détroit peut-être ? Oui, je vais retourner à Detroit parce qu'il y a encore des choses que je veux explorer et montrer comment les choses sont devenues encore pires. Il faut se connecter à jacquelinecauh.com pour obtenir toutes les informations sur vos films, vos livres, vos émissions de radio, vos articles. On peut aussi y trouver toutes les références aux différentes parutions et productions de Daniel Cauh. La deuxième émission que Daniel Cauh consacrait à Arvo Pärt sera diffusée la nuit prochaine. Les auditeurs pourront entendre Tabula Rasa, dirigée par Richard Bernards en 1986 au Théâtre de la Ville, avec entre autres Gavin Bryars au piano préparé. Chargée de cette émission, Hassan Mbechour, à la technique, Marie Jaworski. Réalisation Virginie Mourtet, Alban Pénaranda et l'équipe des Nuits de France Culture vous souhaitent une très bonne journée sur notre chaîne. La Nuit Rêvée de Jacqueline Cauh est disponible sur le site franceculture.fr à la rubrique Nuit Rêvée où vous trouverez toutes les informations pour la télécharger et la réécouter quand vous voulez. Très bonne journée à vous Jacqueline Cauh. Merci, vous aussi. Et merci encore, vous avez choisi que cette nuit se termine en musique avec Bruit de papier de Dinah Bird. Oui, c'est un hommage à la fois à Daniel et un hommage à France Culture puisqu'elle a travaillé avec les conducteurs des émissions que Daniel faisait à France Culture. Donc ça me paraissait vraiment approprié de terminer avec elle. Et par ailleurs, j'aime énormément son travail. Très bonne journée à vous. Merci à tout le monde aussi. Très belle journée. Très bonne journée à toutes et à tous. Le pays est calme. La guerre compte sa paix. Calme. Le pays est calme. Encore. Le pays est calme. Les maisons comme des tombeaux. Calme. Le pays est calme. Encore. Le pays est calme. Les hommes, toujours comme des morts. Calme, le pays est calme. Encore.